Chapitre 10e. L'honorable Madame Aspinall était une personne à la fois orgueilleuse et ambitieuse, qui non seulement voulait que chacun se moulât sur elle, mais faire à autrui ce qu'elle voulait qu'il fît. C'était chez elle une idée fixe, et sa vanité, son obstination, beaucoup plus que ses mérites, l'avait ainsi mise au-dessus d'elle-même. Elle n'était ni la plus belle, ni la plus riche, ni la plus noble, ni la mieux douée du comté, mais elle savait si bien se faire valoir qu'on avait fini par la prendre au mot. Veuve depuis 15 ans et sans enfant, rien ne l'empêchait de vivre à sa guise, c'est-à-dire en franche égoïste qu'elle était. Certes, les propositions de mariage ne lui avaient pas manqué, mais elle était restée sourde aux déclarations des épouseurs sans argent. Quoiqu'elle ne fût pas fort riche, son nom n'en était pas moins en tête de toutes les souscriptions, ce qui lui donnait de l'importance et de l'influence tout à la fois. Elle avait l'usufruit d'Aspinall Tower sa vie durant. C'était une propriété composée d'une belle habitation entourée de terres, qui formait jadis un parc immense. Mais le dernier lord Nivardal, s'étant vu obligé de faire flèche de tout bois, avait exploité cette mine d'or presque jusqu'à extinction. La maison était grande et régulière. Le mobilier, qui datait du règne de George III, offrait un spécimen très pur du style en vogue à présent. Madame Aspinall prétendait que ses meubles étaient l'œuvre du fameux tapissier de cette époque, et se félicitait qu'un retour aux modes des temps passés lui permît encore de donner le ton sans bourse déliée. La teinte foncée des rideaux et des sièges, bien autrement artistique que les nuances criardes des salons et de ses voisines, lui fournissait en même temps la satisfaction d'économiser ses deniers et celle de critiquer son prochain. Le lendemain du jugement de Vargas, Madame Aspinall s'occupa de bonne heure des préparatifs du petit dîner intime qu'elle comptait offrir à Sir Everard et à sa fille. Il y avait 6 ans au moins qu'il n'avait consenti à lui faire cet honneur et ce plaisir. C'était en vain que Madame Aspinall le priait, le sollicitait, l'importunait. Il se tenait prudemment sur la défensive, donnant pour excuse qu'il avait perdu l'habitude et le goût du monde, et que Dulcie n'aimait pas à sortir sans son père. Enfin, de guerre lasse, Sir Everard s'était laissé entraîner à exaucer les vœux de Madame Aspinall, et elle se persuadait que, ce point gagné, il ne tarderait pas à devenir comme de la cire entre ses doigts. Si elle n'avait pas vu dans les prétendants qui jusque-là avaient brigué sa main d'assez grands avantages pour la leur accorder, par contre, Sir Everard, qui ne paraissait pas songer à elle, lui semblait un parti très digne de mériter ses soins et ses désirs. Madame Aspinall avait près d'elle, depuis 14 ans, une jeune personne qui, sous le titre pompeux de demoiselle de compagnie, cumulait les fonctions de femme de charge, de lingère et de secrétaire. Louise Pinker avait obtenu cette position par la voix de la presse. Elle s'était laissée séduire par l'aspect grandiose du château d'Aspinall Tower et aussi par le décorum intérieur de la maison plutôt que par les conditions pécuniaires qui lui furent offertes et qui n'étaient rien moins que brillantes. Puis, Madame Aspinall avait promis qu'elle lui laisserait beaucoup de temps, soit pour écrire des lettres, soit pour écrire des romans. Elle insistait même sur les avantages de cette distraction peu coûteuse pour quiconque ne publie pas ses œuvres. Tout cela avait été dit avec une familiarité qui avait si bel et bien jeté de la poudre aux yeux de la pauvre Miss Pinker, qu'elle consentit à accepter 500 francs par an comme salaire, au lieu de 1 500 sur lesquels elle comptait. Puis tout lui semblait si luxueux à Aspinall Tower. Le mobilier, les fleurs, le maître d'hôtel en habit noir et cravate blanche, les laquais poudrés en livrée rouge, comparé à la modeste maison paternelle où une pauvre servante faisait toute la besogne. Or, sans s'inquiéter si Madame Aspinall aurait la main légère et s'il ne ferait sentir que le moins possible à son alter ego sa dépendance, Louise Pinker avait consenti à aliéner sa liberté et n'avait jamais eu en réalité, les circonstances étant données, trop à se repentir du parti qu'elle avait pris il y avait de cela 14 ans.